Audiomatique. Thank you. Audiomatique, cette première transmission de l'année 2023 qui porte l'indicateur 427 s'ouvrait sur la musique de la formation Viernlis et sa pièce Dress of Stars apparaissant sur l'album Within the Mind of a Ghost publié en 2007. Et maintenant, c'est au tour du projet canadien EDOC d'assurer la continuité à Audiomatique. muovendosi piano, questo lungo giorno. Vivere dell'esplosione del sogno secolare. Audiomatic, c'était le projet italien Agonige, de qui on entendait la pièce « Jeu de massacre » de son deuxième et dernier album studio Testament, lancé en 1994. Précédemment à Agonige, il s'agissait du projet canadien ADOC, mené par le regretté Dwayne Gottle, qui fut un membre fondateur de Skinny Poppy et qui est décédé en 1995 à l'âge de 31 ans. De ADOC, nous entendions donc la pièce Quackers Revision, qui est exclusive à la compilation Wild Planet, qui est sortie en 2000. Audiomatic se poursuit sur la musique de l'ensemble musical Material, mené par l'artiste Bill Laswell. We'll be right back. scuola per tutto fanale stile da tu la del paese tu mo stessi su questa Thank you. c'était la formation Download que nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic. La pièce Dub Played from Ochi se retrouve sur l'album intitulé Inception de Subconscious Jams, une série d'improvisations réalisées en 1994-1995 par Kevin Key et le défunt artiste Dwayne Gottle, duquel nous avons d'ailleurs entendu une pièce de son projet solo Haydock un peu plus tôt dans l'émission. Ceux-ci sont accompagnés pour ces sessions d'improvisation par Mark Spybe et Feu Phil Western. Avant Download, nous écoutions Material, un groupe fondé en 1978 par le bassiste Bill Laswell et le claviériste Michael Beinhorn. Après que celui-ci ait quitté le groupe en 1985, Laswell s'est adjoint de multiples collaborateurs pour créer une musique riche en sonorités, influences et textures, ce qui se matérialise notamment sur la pièce Ruins Submutation Dub que nous avons entendue et qui est tirée de l'album Hallucination Engine, paru en 1994. Notons qu'une vingtaine de collaborateurs ont participé à la réalisation de cet album de Material sous la conduite de M. Laswell. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe norvégien Mortis. well or the night. Show. avions droit à Audiomatique à la formation californienne Clairvoyant. De son album Time Again, paru en 2000, nous avons entendu la chanson Majesty, remixée ici par le groupe anglais VNV Nation. L'album Time Again comprend des versions remixées de chansons apparaissant sur le deuxième album studio de Clairvoyant, Time and the Maiden, qui lui est paru en 1998. Tout juste avant, nous écoutions le groupe norvégien Mortis, mené par Håvard Ellefsen. Nous entendions la pièce Spirit of Conquest, The Warfare, que l'on retrouve sur son album The Stargate, paru en 1999. Et on conclura cette transmission d'Audiomatique avec la pièce Von der Armut de la formation allemande Dasir. Cette pièce apparaît sur l'album Staub, paru en 1994. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Dasir et la pièce Von der Armut. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Gräber ihrer Kinder, Gesichter verstümmelt von Krähen hinterlassen.